Qu'est-ce que t'as, man? Pourquoi tu ris seul? Regarde la marionnette. Elle saute dans les airs. Elle écarte les jambes. Elle fait une petite split. Elle fait trois tours. Franchement, c'est pas un peu bébé lala? J'ai une belle marionnette. Elle s'appelle Henriette. Je lui fais faire des pirouettes. Je lui fais faire des courbettes. Je la traîne partout où je vais. Je la couche même dans mon lit. Le soir quand je m'ennuie. J'ai une belle marionnette. Oh yeah. Elle s'appelle Henriette. Ah yeah. Je lui fais faire des pirouettes. Ah oui. Je lui fais faire des courbettes. Oh, tu je lui fais dire ce que je veux. Elle fait tout ce que je lui dis. Elle ne vit pas sa propre vie. Henriette me dit souvent, j'aimerais m'en aller. Mais moi, je n'ai pas le temps de la libérer. J'ai une belle marionnette. Elle s'appelle Henriette. Je lui fais faire des pirouettes. Je lui fais faire des courbettes. Henriette sera première ministre quand elle sera plus grande. Et elle...